Ryokan se gratte la tête et ne bouge pas. « Eh bien, qu'attends-tu ? » s'impatiente le visiteur. « Ma demande est-elle excessive ? » ajoute-t-il inquiet. « Non, non, je réfléchissais, » dit Ryokan. « Pourquoi, au fond, t'arrêter à 300 ans ? On raconte que certaines tortues vivent 1000 ans, et aussi les grues. Pourquoi 300 ans seulement ? » Après tout, la perspective ne manque pas d'attrait. J'ai tant de bonnes actions à accomplir. Je pourrais faire tellement plus de bien en 1000 ans. Ryokan ne bouge pas et semble perplexe. Je pèse tes paroles, saint moine, et je vois comme ta vie est précieuse. La meilleure solution serait que tu ne meurs pas. Tu pourrais me faire un quito qui m'épargnerait de mourir. Oui, mais ce serait très très cher et très difficile. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra, à pratiquer les plus durs exercices. Tu m'as convaincu, noble Ryokan. Je t'en prie, j'accomplirai tout ce que tu exigeras, mais fais-moi le quito qui me rendra immortel. Dès ce jour, Ryokan prit avec lui, dans son humble cabane de branchage, le vieux moine qui venait du nord. Ils coupaient le bois ensemble, allaient chercher l'eau à la rivière, dormaient à même le sol de terre battue, et ils priaient et méditaient pendant de longues heures. Ils mangeaient leur bol de riz, où ils riaient en regardant le vol d'un jet maladroit. Au printemps, Ryokan composa des poèmes. Ce monde n'est plus que fleur de cerisier. Et encore, le rossignol du rêve m'a réveillé mon riz du matin. Ou bien, la barque à riz se dirige vers la lune du troisième jour. Ainsi passèrent un hiver, un printemps, un été. Ils étaient tous deux assis devant la cabane un soir de fin d'été et contemplaient le premier vol d'oies sauvages. Quand Ryokan déclara « Je vais procéder demain à la cérémonie du quito qui te fera immortel, comme nous en étions convenus. » « Je ne comprends plus, » dit l'octogénaire songeur en caressant sa barbe qui avait beaucoup poussé. « Pourquoi je t'ai réclamé ce quito ?» Le fini est l'infini. Et l'infini, le fini. Le présent est l'éternité.